I'd like to say some more about the practice. Ce que je vais dire à présent se base sur un enseignement donné par Mahasi Sayadaw qui avait été fait à la radio à la demande du gouvernement birman. Et le gouvernement birman lui avait demandé de donner un enseignement de 15 minutes au maximum, expliquant comment méditer de façon à ce que tout le monde en Birmanie, quel que soit son niveau d'éducation, quelles que soient ses conditions particulières, puisse le comprendre et qu'il puisse pratiquer la méditation chez lui. Normalement, Mahasi faisait tout le temps référence aux textes, aux écritures dans ses enseignements, mais ici il disposait de tellement peu de temps qu'il n'a pas pu le faire, et donc il a commencé son enseignement en disant que chacun devrait rester dans l'attention et rester pleinement conscient. En pali, Sato Sampajano Viharia, et il a dit donc voilà, ça c'est mon instruction clé, l'instruction que je répète pour vous. Alors, ces deux mots, Sato et Sampajano, signifient attentif, Sato, et comprenant pleinement, Sampajano. Et on peut dire que ces deux mots résument l'entièreté de l'enseignement du Bouddha, et qu'ils résument aussi la méditation vipassana. C'est la tâche la plus importante qui a été enseignée par le Bouddha. C'est son enseignement le plus important. Si on est capable de l'appliquer à chaque instant, d'être attentif et comprenant pleinement à chaque instant, enfin sûrement la connaissance va venir. La connaissance, c'est-à-dire la réalisation de Nibbana, de la libération. Il y a quatre types d'objets auxquels on doit prêter attention, auxquels on doit être attentif. C'est la vision, l'audition, le fait de sentir, le fait de goûter, le fait de toucher et le fait de penser. Ces six types d'objets correspondent aux six portes sensorielles. On les appelle les objets des portes sensorielles. Donc les portes sensorielles, ce sont l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Donc nous devons tenter d'être attentif, d'être conscient à chaque fois que ces objets sensoriels se manifestent. Ainsi, par exemple, lorsque la vision apparaît, si nous ne sommes pas attentifs, si nous ne sommes pas conscients, nous verrons ces objets de façon erronée. C'est-à-dire que nous les prendrons pour quelque chose de permanent, quelque chose de plaisant, quelque chose qui nous appartient. Et lorsque nous avons ce type d'illusion à propos de l'expérience, les pollutions mentales apparaissent. Les pollutions mentales, en pali, ça s'appelle kilesa. Et sur la base de ces pollutions mentales, on va accomplir des actes intentionnels, c'est-à-dire avec une intention, et ainsi on va créer du karma, et cela veut dire qu'on va prolonger notre existence dans le samsara. C'est pourquoi il nous faut tenter toujours d'être attentif et conscient des objets qui apparaissent, et lorsque nous les voyons clairement, il n'y a pas d'illusion qui apparaît, donc il n'y a pas non plus de pollution mentale qui apparaissent, et ainsi on ne prolonge pas notre existence dans le samsara. Alors, pour ceux qui ne croient pas encore qu'il y a des séries de vies successives, donc qui ne croient pas encore dans le samsara, ils peuvent se dire que, en tout cas, lorsqu'ils voient clairement l'objet, ils ne vont pas faire d'erreurs qu'ils vont regretter plus tard. Voir clairement l'objet leur évitera de commettre des erreurs. Et ne pas commettre des erreurs qu'il faut regretter plus tard constitue un grand soulagement, et c'est donc le bénéfice qu'on peut retirer de la pratique dans la vie présente, sans pour autant nécessairement croire dans les vies futures. Donc la pratique, cela veut dire voir clairement les choses afin d'avoir un choix par rapport à ce qu'on voit et non pas nécessairement être entraîné à commettre des erreurs. Donc, afin de voir clairement l'expérience, afin de comprendre l'expérience des six sens, des six objets sensoriels, il nous faut porter notre attention à cet endroit-là, c'est-à-dire lorsque nous voyons, nous portons notre attention sur l'œil, à la porte de l'œil, et nous notons voir, voir. Lorsque nous entendons un son, nous portons notre attention à l'oreille et nous notons entendre, entendre. Si l'on sent quelque chose, une odeur, on porte notre attention au niveau des narines et on note sentir, sentir. Si on goûte quelque chose, on porte notre attention au niveau de la langue et on note goûter, goûter. Si l'on touche quelque chose, on porte notre attention à l'endroit du corps où il y a une sensation de toucher et on note sentir, sentir. Il y a beaucoup de types de sensations de toucher. Le corps est bien plus grand que les autres organes sensoriels, donc la sensation du toucher occupe une surface bien plus grande que celle des autres organes sensoriels. Et nous pouvons par exemple expérimenter le toucher à l'intérieur du corps, par exemple lorsque les os et la chair se touchent, ou bien à l'extérieur du corps. N'importe quel endroit où il y a de l'humidité, où il y a de la chair, où il y a de la peau, est susceptible de donner une sensation. Alors chaque fois que nous bougeons aussi, chaque fois que nous étendons le bras, que nous le replions, chaque fois que nous nous asseyons, que nous nous levons, que nous marchons, lorsque l'abdomen se soulève et s'abaisse, chaque fois il y a une sensation de toucher. Donc nous devons être attentifs à toutes ces sensations. Nous devons observer tous les phénomènes lorsque nous marchons, lorsque nous faisons un pas, lorsque nous nous levons, lorsque nous nous asseyons, lorsque l'abdomen se soulève ou s'abaisse, et nous devons observer ces phénomènes tels qu'ils sont. Alors il faut aussi qu'on prête attention à la porte de l'esprit. Lorsque nous pensons, lorsque nous faisons des plans, lorsque nous nous souvenons de quelque chose, il faut que l'on note ces objets de la façon dont ils apparaissent. On appelle cet exercice « Chittanupassana ». Donc ça c'est la méthode, c'est la base de la méthode élémentaire. Si on la suit, on peut développer la connaissance à propos de l'être, à propos de notre être. On peut observer qu'il est constitué d'un corps et d'un esprit. Et à partir de cette première connaissance, on peut développer les connaissances successives jusqu'à parvenir à la réalisation du chemin et à la libération, Nibbana. Qui peut me dire combien de types d'objets nous devons observer? Donc si on le résume, il y en a deux effectivement. Mais on ne peut pas observer simplement esprit, esprit, corps, corps. Donc au total, combien d'objets est-ce qu'on observe? Donc effectivement, il y a six types d'expériences. Voir, entendre, toucher, goûter, sentir au niveau du toucher et au niveau de l'odorat et au niveau de l'esprit. Donc au début, la concentration, c'est-à-dire la stabilité de l'esprit et l'attention ne sont pas encore très forts. Elle n'est pas assez forte pour observer les choses subtiles ou raffinées. Nous devons démarrer avec des choses simples. Nous devons commencer par observer des choses simples. Ok, donc comme le disait le yogi à l'arrière, il y a deux types de choses qu'on peut observer, le corps et l'esprit, mais entre les deux, lequel est le plus facile? Eh bien évidemment, c'est le corps. Le corps est beaucoup plus grossier et aussi beaucoup plus lent, beaucoup beaucoup plus lent que l'esprit. Mais même à l'intérieur du corps, qu'est-ce qu'il faut observer? Quelles parties sont plus faciles à voir? Donc selon la théorie bouddhiste de l'Abhidharma, il y a deux types de matière dans le corps. Il y a aussi les quatre éléments, les quatre grands éléments qui sont les constituants fondamentaux de la matière. Donc la terre, l'eau, le feu et l'air. Et ces quatre constituants sont plus faciles à observer que, par exemple, un objet visible, parce que si on y pense, un objet visible, c'est de la lumière. C'est difficile d'observer l'œil séparément de l'objet observé. Par contre, observer les quatre grands éléments, c'est facile. Et donc, on commence la pratique en observant la sensation de toucher, parce que celle-ci est évidente à chaque fois que on accomplit quelque chose, une activité, à chaque fois que l'on bouge. Les deux grandes catégories de matière, c'est d'une part les quatre grands éléments et d'autre part la deuxième catégorie qu'on appelle la matière dépendante. Alors de quelle façon devrions-nous pratiquer ? Nous devons d'abord trouver un endroit calme où nous pouvons rester sans être dérangés pendant une heure. Ensuite, il nous faudrait nous donner de l'inspiration à nous-mêmes en nous disant « cette pratique peut mettre en place les conditions qui mènent à la libération et donc nous devrions nous réjouir de cela ». Donc nous devrions être droits lorsque nous nous asseyons, avoir la colonne vertébrale bien verticale du sommet jusqu'en bas. Et ainsi, ça nous permettra de ne pas ressentir d'inconfort et d'avoir une meilleure concentration. Nous devrions concentrer notre attention sur l'entièreté du corps. Dans notre pratique, l'objet primaire, c'est le mouvement de l'abdomen, mais au début, parfois, ce n'est pas clair. Un débutant complet pourrait se contenter au début de porter son attention simplement sur la posture assise, et puis de faire une note mentale, assis, assis. Donc, nous faisons une note mentale et non pas verbale, et au-delà de ça, nous sommes simplement conscients, par exemple, de la posture assise. C'est comme si nous la visualisions avec notre esprit. Et dans notre esprit, nous la voyons comme droite, comme nous voyons cette posture comme étant toute droite. Mais lorsque l'on est confronté à des sensations physiques réelles du type des tensions, de la raideur, de la lourdeur, de la légèreté, etc. Ça peut être plus difficile et ces sensations-là correspondent à la réalité ultime, la véritable réalité. Ce type de réalité véritable, on l'expérimente quand la concentration et l'attention deviennent fortes. C'est parce que nous avons l'intention de rester assis que la posture assise se reproduit d'instant en instant, encore et encore. Et donc on observe simplement cette posture assise. Si nous nous retrouvons à un moment couché, nous pouvons observer l'entièreté du corps comme étant couché. Et on fait une note couché, couché. Mais en notant assis, assis continuellement, après un certain temps, ça va nous paraître trop simple, et donc on peut ajouter la note toucher, toucher, y ressentir la sensation de toucher, par exemple, au niveau des fesses ou au niveau des mains qui se touchent entre elles. Et on peut alterner la note mentale assis, assis, et puis la sensation de toucher à un endroit quelconque du corps. Après un certain temps, cette façon de procéder aussi pourra nous sembler trop simple, avec deux types de notes. L'objet principal d'observation dans cette pratique, c'est le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Et alors que nous sommes assis, nous pouvons sentir ce mouvement. Nous pouvons sentir qu'à chaque inspiration, l'abdomen se soulève et qu'à chaque expiration, il s'abaisse. Si ce n'est pas évident, on peut toujours, comme je l'ai dit plus tôt, mettre sa main sur le ventre, et à ce moment-là, en général, ça devient évident. À partir du moment où on peut le percevoir clairement, on peut retirer la main et continuer à observer le soulèvement et l'abaissement. Nous devons essayer de le voir comme si nous le voyions avec nos yeux, essayer de voir ce mouvement clairement. Donc une autre façon de le dire, qu'il faut observer ce mouvement tel qu'il est. On peut dire que on observe ce mouvement comme si on l'observait avec nos propres yeux, mais ça peut nous induire en erreur parce qu'on peut penser qu'on doit effectivement le voir avec les yeux. Et moi aussi, ça m'arrive par moments de me retrouver avec la tête penchée vers le ventre. Et donc, ça, il faut éviter. Il faut essayer de garder la nuque bien droite, tout comme le reste du dos, et plutôt essayer de ressentir ce mouvement en le saisissant tel qu'il est dès le début. Le mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen est provoqué par l'inspiration et l'expiration. Et donc, il faut essayer de le saisir du début et l'observer jusqu'à la fin. Et peu importe la façon dont il se présente, donc on peut ressentir un mouvement de soulèvement et d'abaissement, mais on peut aussi ressentir un mouvement vers le côté ou d'une autre façon. Il faut le saisir tel qu'on le ressent. Alors, lorsque nous observons, il est possible que l'esprit se mette à vagabonder, qu'il saute d'un objet à l'autre. Le corps est ici, mais l'esprit peut être, par exemple, chez nous, à la maison, ou bien au bureau, ou bien se projeter dans l'avenir. Et lorsque nous en sommes conscients, nous devons en prendre note tout de suite. Par exemple, si nous pensons, nous le notons. Si nous faisons des plans, si nous imaginons quelque chose, nous le notons. Cette pratique s'appelle Chittanupassana. Et lorsque l'activité mentale cesse, il faut revenir à l'objet d'observation principal. Alors que nous continuons à méditer dans la posture assise, il est possible que des sensations désagréables se manifestent, par exemple des raideurs, des douleurs, des engourdissements, des démangeaisons, des douleurs perçantes. À ce moment-là, il ne faut pas s'accrocher à l'objet primaire, au soulèvement et à l'abaissement de l'abdomen, mais porter son attention sur ces sensations et les observer telles qu'elles se présentent, quelle que soit la façon dont elles se présentent. Et une fois que la douleur est passée, retourner à l'objet primaire. Alors que nous observons ces sensations désagréables, cela s'appelle Vedana Nupassana. Et alors que nous les observons, parfois, elles ne vont pas disparaître. Elles deviendront, au contraire, de plus en plus fortes. Et à ce moment-là, dans l'esprit apparaîtra nécessairement le ressenti de vouloir bouger, de vouloir changer de position. À ce moment-là, nous pouvons changer de position, mais nous devons porter notre attention à tous les mouvements que nous allons opérer. D'abord à commencer par les mains qui bougent pour prendre un appui. Et puis il faut aussi agir très lentement et de façon très attentive, sans quoi nous ne pourrons pas saisir tout ce qui se passe. Une fois que nous avons bougé, nous retournons à l'observation de l'objet primaire. Lorsque nous mettons un terme à la méditation assise, ou parfois pendant la méditation assise, si nous devons nous lever pour une raison urgente, il nous faudra noter d'abord le désir de se lever afin de mettre un terme à la posture assise. Et à nouveau, alors que nous faisons ces changements, que nous réalisons ces changements, nous devons observer la volonté de faire ces changements et puis les actions qui s'en suivent. Par exemple, ouvrir les yeux, bien bouger certains membres. On peut aussi noter, faire une note mentale, se lever, une note mentale générale. C'est après tout le but principal que nous avons ici, c'est de nous lever. Et on peut donc noter simplement le processus. Et en le faisant, on se concentre sur l'entièreté du corps. Donc une fois que le corps est debout, on peut observer l'entièreté du corps qui est debout, essayer de ressentir les sensations éventuelles et noter debout. Si jamais nous voyons à ce moment-là quelqu'un qui passe, nous pouvons noter simplement voir en portant notre attention au niveau de l'œil. Après une heure de méditation assise, nous passons à la marche que nous allons pratiquer pendant une heure. Nous allons à un endroit et ce faisant, nous plaçons notre attention sur les pas droits, pas gauche, pas droit, pas gauche. Nous devrions marcher un peu plus lentement qu'à l'habitude. Je donnerai plus d'instructions par rapport à la méditation en marche, mais pour aujourd'hui, nous pouvons nous contenter de noter pas droit, pas gauche, parce que il faut d'abord que l'esprit se calme, s'apaise graduellement. Nous ne devrions pas commencer directement à marcher trop lentement. Certains méditants expérimentés peuvent le faire d'emblée, dès qu'ils arrivent, mais pour la plupart d'entre nous, il nous faut procéder par étapes. Et donc, aujourd'hui, on se contente de noter pas gauche et pas droit. Plus tard, on notera à chaque pas le fait de lever le pied et le fait de poser le pied. Pour résumer, il n'y a que quelque chose que nous devons observer. Lorsque nous sommes assis, nous observons le soulèvement et l'abaissement, l'un à la suite de l'autre. Et lorsque l'esprit vagabonde, lorsque l'esprit se met à penser, nous notons vagabondage, vagabondage, pensée, pensée, et puis nous revenons à l'objet primaire. Lorsqu'il y a des sensations désagréables, il faut aussi les observer telles qu'elles sont, et noter telles qu'elles sont. Lorsque la vision, lorsque l'audition ou l'odorat se produisent, il faut aussi noter ces objets et puis revenir à l'objet principal. En ce qui concerne la méditation en marche, c'est l'objet principal d'observation, c'est le mouvement des jambes. Et aussi, lorsqu'on arrive au bout de notre piste de marche, observer la posture debout et puis observer le corps qui tourne. Alors la troisième partie de notre pratique, c'est les activités quotidiennes. Donc, outre la méditation assise, la méditation en marche, la troisième partie, c'est les activités que nous accomplissons pendant le reste du temps où nous sommes éveillés, à partir du moment où nous réveillons, donc se lever, se laver les dents, nettoyer le visage, s'habiller, aller au réfectoire et pour manger, etc. Donc, tous les moments où nous ne pratiquons pas formellement la méditation assise ou en marche, nous devrions être conscients des actions que nous accomplissons. En pratiquant ainsi, nous pourrons développer la concentration, la connaissance, développer une connaissance extraordinaire, connaissance de la vision pénétrante, qui nous mènera progressivement au Nibbana. C'est exactement la même chose que lorsque l'on connaît le chemin pour aller à Bruxelles, par exemple, il suffit de suivre la route. Ici aussi, il suffit d'appliquer les instructions de façon cohérente et ainsi nous atteindrons le but. Donc, vous n'avez pas l'intention d'utiliser toute l'heure pour donner des instructions, mais maintenant l'heure est écoulée. Et j'aimerais aussi donner quelques instructions par rapport à la marche. Donc on va maintenant passer à la marche. Donc s'il vous plaît, levez-vous en pleine attention. Par rapport à la marche, il faut trouver une piste de marche qui fait à peu près 16 à 20 pas en fonction de notre taille. Les grands prendront une plus longue piste de marche, les petits une moins longue. On peut par exemple marcher à la chapelle, le bâtiment là-bas. Il faut essayer de trouver une piste de marche où on ne risque pas de croiser d'autres gens, de cogner, de se heurter à d'autres gens. Aussi, pas une piste de marche trop chaoteuse ou bien où il y a des obstacles, sinon on risque de penser à ne pas trébucher. Aussi, il faut choisir une piste de marche où on voit clairement où elle s'arrête et où elle commence, pour pas devoir réfléchir à ce genre de choses. Par exemple, ici, jusqu'au mur, c'est une bonne distance. Il faut se concentrer sur l'entièreté du corps avant de démarrer. Maintenir les mains ensemble. En fait, il faut éviter de laisser les mains ballantes parce qu'on essaie de se concentrer sur le mouvement des jambes uniquement et ça risque de nous distraire si les bras bougent eux aussi. Mais on peut les mettre où on veut, devant soi, derrière soi, même dans les poches. À la fin de la piste de marche, on observe à nouveau l'entièreté du corps qui est debout. Pour aujourd'hui, quand on marche, on va simplement se contenter d'observer un pas dans son entièreté, comme une seule unité, en notant pas droit, pas gauche. Et lorsqu'on s'arrête, on note simplement la posture debout, et puis on note l'entièreté du corps alors lorsqu'on tourne, lorsqu'on se retourne. Et puis on reprend la marche dans l'autre sens. Évitez de faire des pas trop longs, parce qu'alors vous pourriez perdre l'équilibre. Marchez de façon confortable, et il n'y a pas de raison non plus de marcher très lentement, juste un peu plus lentement qu'à l'habitude. Et lorsque la concentration sera forte, on va naturellement ressentir le besoin de ralentir encore les mouvements, mais ça viendra naturellement. Est-ce que vous pourriez maintenant simplement faire un essai, donc une très petite piste de 4 ou 5 pas, de l'avant vers l'arrière. Il faut aussi essayer de marcher tous dans le même sens. Dans le même sens. Donc il n'y a pas besoin de regarder les pieds, mais il faut maintenir le regard plus ou moins vers le bas. Si vous voyez que vous allez bientôt entrer en collision avec quelqu'un d'autre, vous pouvez vous retourner et aller dans l'autre sens. Arrêtez-vous en posture debout. Donc, lorsque c'est facile, vous notez simplement le mouvement des jambes et le mouvement des pieds. Pas seulement se limiter à noter la sensation de toucher. Il faut aussi évidemment que l'esprit soit bien synchronisé avec le mouvement. Si vous vous rendez compte à un moment que vous notez pas gauche alors que vous venez de faire un pas droit, c'est que l'esprit n'est plus vraiment dedans. Il faut que la pensée accompagne le mouvement. Alors, si cela vous paraît vraiment simple d'observer le mouvement des pieds, vous pouvez passer à 2 notes mentales par pas. Donc, lever, baisser, lever, baisser, lever, baisser. Mais dans l'immédiat, on va essayer de noter simplement pas droit, pas gauche. Par exemple, si vous pratiquez 1 heure, essayez de consacrer la majeure partie de cette heure, disons 45 minutes au pas gauche et au pas droit, et si vraiment ça vous semble facile, vous pouvez les 15 dernières minutes faire 2 notes mentales par pas. Aussi, lorsque vous vous rendez, en dehors des méditations en marche, lorsque vous vous rendez quelque part, contentez-vous de noter pas droit et pas gauche. Parfois les gens se demandent qu'est-ce que je suis supposé voir, mais il ne faut pas se poser ce genre de questions, il faut se contenter donc de garder l'esprit sur l'objet. Et en fait, il y a énormément de choses qu'on peut voir. Il n'y a pas de réponse définitive. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc, à partir du moment où l'esprit est concentré, automatiquement, il va voir différentes choses. Donc voilà, à présent, utilisez le restant de l'heure jusqu'à 10 heures pour pratiquer la méditation en marche. Puissiez-vous tous avoir une méditation joyeuse. Please take the rest of the time before 10 to do walking, and may you all have a happy practice.